Des émeutes urbaines éclatent spontanément. Oui, c'est pour contre la ségrégation raciale dont sont victimes les Noirs américains. Bien sûr. Et si je dis spontanément, c'est qu'il n'existe alors aucun parti politique de masse susceptible d'initier ou de canaliser ces éruptions de colère. Mais ça va changer rapidement. Ouais, il existe quand même des organisations qui portent les revendications des Noirs. Des organisations groupusculaires, oui. D'abord la Nation de l'Islam, un mouvement séparatiste qui prône la création au sein des États-Unis d'un État noir et qui a été fondé dans les années 30. Mais c'est cette organisation, je crois, hein, que rejoindra Malcolm X. Hein. Oui, car jeune délinquant, Malcolm a rencontré des militants de ce mouvement mi-religieux, mi-politique en prison. Et il s'est converti. Si l'on peut dire, oui. D'un autre côté, il existe aussi un embryon d'organisations non violentes animées par des pasteurs noirs. Ouais, dont Martin Luther King. En effet, King en prend la présidence assez rapidement. Et ça donnera un peu plus tard le mouvement pour les droits civiques. Alors, quelques dates ont jalonné ces combats. Par exemple, en 1955, le boycott des autobus dans la ville sudiste de Montgomery. Oui, parce que dans ces autobus, un véritable apartheid était institué. Oui, des places pour les blancs et d'autres pour les noirs. Autre date symbolique, 1957, est l'affaire de Little Rock. Ouais, ça, c'était pour exiger l'entrée à l'université de la ville d'un étudiant noir. Alors que 2 ans plus tôt, la Cour suprême avait jugé que la ségrégation scolaire était illégale. Donc, tout au long de cette deuxième moitié de la décennie 1950, le mouvement noir monte en puissance. Et parallèlement, le FBI suit cela de très près. Car son patron, Edgar Hoover, est foncièrement raciste. Et il a tendance à amalgamer combat pour les droits civiques et communisme. Enfin, on en reparle. Ouais. En tout cas, si je vous ai bien compris, il existe déjà 2 ailes dans le mouvement. Une aide radicale avec Malcolm X. Et une autre non-violente avec Martin Luther King, oui. C'est à peu près cela. Et il en sera ainsi très longtemps, même si d'autres organisations verront le jour. En 1960, par exemple, on voit apparaître le Comité étudiant de coordination non violente, le SNCC, comme on va l'appeler d'après son acronyme. Mais en 1962, 2 étudiants noirs californiens, Ray Newton et Bobby Seale, créent aussi le mouvement des Panthères noirs pour l'autodéfense. Mais c'est la naissance du parti des Black Panthers, ça. Pas encore. Car cette organisation se fonde d'abord dans le mouvement pour les droits civiques de Martin Luther King. Elle est donc, au moins au début, non violente. Mais ses dirigeants rejetteront bientôt le pacifisme de King. Car ils soutiennent que face à la violence policière, il faut répliquer avec les mêmes méthodes. Et cette violence est croissante. Hein. En 1964, par exemple, pour protester contre l'assassinat d'un adolescent noir par un policier, les quartiers noirs de New York s'embrasent. Puis, en 1965, à la suite d'arrestations arbitraires, c'est un faubourg de Los Angeles, Watts, qui connaît de véritables scènes de guerre urbaine. Et il y aura de nombreux morts. Hein. Et des centaines de blessés. Et ça se reproduira à Newark, en 1967. Et entre-temps, le parti des Black Panthers est officiellement né. En 1966, oui. Ouais. Ses fondateurs sont donc Newton et Seale. Et ils sont rejoints par Stokely Carmichael, un leader qui va théoriser le mouvement. Alors justement, quelle est l'idéologie qui sous-tend ce parti des Black Panthers? Ses dirigeants se disent socialistes, révolutionnaires et internationalistes. Et dans cette mesure, ils sont prêts à collaborer avec les Blancs qui partagent ces valeurs. Cependant, ils affirment vouloir valoriser l'identité, la culture et l'histoire des Afro-Américains et se dissocient des idées jugées trop molles de Martin Luther King. Enfin, dans leur programme politique, ils exigent la fin immédiate de la brutalité policière et des meurtres de Noirs. Mmh. Et quelle différence avec les positions alors de Malcolm X ? Ah ben, il n'y en a pratiquement pas. Lui aussi était un critique virulent de la non-violence. Mais vous le savez, il a été assassiné en octobre 1965. Sans doute par des membres de la Nation de l'Islam dont il s'était séparé. Des militants qui avaient peut-être été infiltrés par le FBI. En tout cas, l'influence de Malcolm X se poursuit bien au-delà de sa mort. Et concrètement alors, comment se traduit l'action des Black Panthers? D'abord, ils organisent l'autodéfense des Noirs. Ouais, contre ces brutalités policières qu'ils dénoncent? En effet. Et c'est particulièrement vrai dans les ghettos des côtes Est et Ouest. Ainsi, en 1966, des membres des Black Panthers commencent à patrouiller en armes dans les rues d'Oakland afin de surveiller l'attitude des policiers réputés avoir la gâchette trop facile face aux Noirs. Mais l'action des Panthers, c'est aussi social. C'est-à-dire ? Ben, ils viennent en aide aux jeunes qui réclament du travail et des habitats décents. Ils développent aussi des programmes communautaires. Par exemple, la création de cliniques gratuites, la détection des maladies comme la tuberculose, et aussi des plans pour aider les gens à rénover leurs immeubles. Une action sociale qui bénéficie du soutien de quelques stars d'Hollywood, comme Marlon Brando ou Gene Seberg. En réalité, c'est une véritable guérilla sociale et culturelle que mènent les Black Panthers. C'est une action populaire parmi la population noire. Forcément. Leur slogan, c'est « servir le peuple ». Et pratiquement, c'est parfois spectaculaire. L'un de ces programmes sociaux, lancé en 1968 dans la baie de San Francisco, consiste à délivrer des petits déjeuners gratuits pour les enfants des quartiers pauvres avant leur départ à l'école. Une initiative qui se développe ensuite dans une cinquantaine de villes américaines. Et est-ce que cette action sociale va de pair avec une intensification de l'action purement politique ? Oui, oui, on observe même durant l'hiver 67-68 une radicalisation du mouvement. Et c'est essentiellement dû à l'arrivée d'Eldridge Cleaver, un ancien détenu qui est nommé ministre de l'information du parti des Black Panthers. Sous son influence, les militants adoptent un langage de plus en plus provocateur vis-à-vis des autorités. Les sit-ins, les manifestations de protestation se multiplient, comme ce jour où les Panthères noirs investissent la chambre du Sénat de l'État de Californie. Mais bientôt, le mouvement va connaître ses premiers déboires. Pour quelle raison ? Les militants vont se diviser. Mais surtout, c'est l'action souterraine du FBI qui explique l'affaiblissement du mouvement. Et parallèlement, la gauche libérale blanche se détourne car elle aussi est victime des agissements des agents fédéraux. Un programme qui porte le nom de COINTELPRO. Je vous explique dans un instant. En attendant, voyons les conséquences. La division, d'abord. Assez rapidement, deux tendances se font jour au sein des Black Panthers. Et ça ira jusqu'à la scission en janvier 1971. Sur quelle base cette scission ? D'un côté, on trouve les partisans de la lutte armée avec à leur tête Eldridge Cleaver et Geronimo Pratt, le responsable des programmes militaires du mouvement, qui a choisi la clandestinité dès le mois d'août 1970. Il s'agit donc clairement de la création d'une branche militaire. Clandestine, bien sûr. Et en octobre 1970, l'armée des Panthères Noires revendique un premier attentat à la bombe contre un cortège funéraire de policiers à San Francisco. Il n'y a pas de victime. Mais l'événement paraît suffisamment grave à la direction des Black Panthers pour décider l'éviction du parti de Pratt et de Cleaver. Est-ce que ça met un terme à leur action ? Non, bien au contraire. On va recenser ensuite plus d'une trentaine d'actions violentes, fusillades ou vols à main armée. Une vingtaine de policiers en sont les victimes. Et pourquoi alors ce passage subi à la violence ? Les dirigeants de la branche armée expliquent qu'ils y sont contraints puisque le système s'oppose à leurs revendications visant à l'émancipation des Noirs, même les plus réformistes. Alors ils choisissent la politique du pire. Oui, c'est à peu près ça. Et c'est forcément une politique suicidaire, car en face d'eux se trouve une administration toute puissante. Et cette autre tendance chez les Black Panthers, là, que propose-t-elle ? Ces militants-là, comme Ray Newton, restent partisans de la lutte sociale. La réforme. Oui, oui, et les confrontations internes entre les deux tendances sont souvent féroces. Ouais. D'autant qu'elles sont exacerbées par le FBI. Comment expliquer les premiers succès des Black Panthers et leur popularité auprès de la population noire ? Il y a d'abord incontestablement la guerre du Vietnam où les soldats noirs sont trop souvent en première ligne. Ensuite, le rêve des droits civiques semble s'éloigner alors que la ségrégation économique est plus forte que jamais. C'est donc, selon un excellent article de la revue Web, article 11, sur ce terreau qu'émerge le Black Panther Party, qui ne s'embarrasse plus de précautions oratoires. Il est temps d'en finir avec le terrorisme culturel, de retrouver une fierté dans la lutte et dans l'affirmation de racines trop longtemps oubliées. Extrait. Je suis noir et je suis fier, clamez-le, comme le chante James Brown en 1968. Les deux fondateurs du Black Panther Party ont lu Frantz Fanon, notamment Les Damnés de la Terre, et en ont tiré une certitude radicale, la lutte afro-américaine, partie intégrante du combat anti-impérialiste, est une lutte pour l'indépendance d'un peuple. Les Noirs américains sont colonisés de l'intérieur. Il est temps de renverser l'oppresseur. Changement de braquet. Puisque les combats d'antan n'ont débouché sur rien, puisque l'oppression reste toujours aussi brutale, il faut désormais rugir, ouvrir la cage. Hugh Newton l'exprime ainsi. Si tu pousses la panthère noire dans un coin, elle va tenter de fuir en passant par la gauche. Si tu la coinces là, elle va vouloir s'échapper par la droite. Et si tu continues à l'oppresser et à la pousser dans ce retranchement, tôt ou tard, cette panthère va sortir de là et va décimer quiconque l'opprimera. Des divisions exacerbées par le FBI, vous dites, mais comment ? Il est certain que l'agence fédérale a réussi à infiltrer des taupes au sein du mouvement noir, et particulièrement des Panthères noires, l'organisation la plus radicale. En même temps, l'existence de ces taupes, même non identifiées, a attisé la paranoïa latente qui régnait dans ces structures clandestines. Oui, tout le monde devenait suspect. C'est ça. Ouais. Et ces techniques d'infiltration font partie de ce plan-là que vous avez évoqué. Oui, le Co-Intel Pro, oui. Un programme qui n'est pas spécifiquement destiné à lutter contre les activistes noirs, mais globalement contre tous les contestataires américains. Les blancs aussi, par conséquent. En effet. Même si souvent les révoltes, surtout dans les milieux étudiants, ont eu pour point de départ la critique de la ségrégation raciale. Et cela a conduit à la radicalisation de ces contestations étudiantes. Alors, faisons un petit retour en arrière. Enfin, rassurez-vous, je ne vais pas remonter trop loin. En 1964, on assiste, par exemple, à la création du Free Speech Movement, le mouvement pour la liberté de parole. Et de quoi s'agit-il ? C'est un mouvement de masse sans organisation où le rôle personnel des leaders et des orateurs est donc considérable. On va alors parler de pouvoir étudiant. Les revendications, elles, portent sans surprise sur le problème noir, la libération sexuelle et de plus en plus sur l'opposition à la guerre du Vietnam. Dès 1965, on manifeste dans presque toutes les universités du pays. C'est notamment le cas à Berkeley, où la présence proche d'un centre de recrues pour le Vietnam attise la contestation. Est-ce une contestation violente ? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Car en 1969, l'une des principales organisations étudiantes, l'Association des étudiants pour une société démocratique, va éclater en divers groupes selon des clivages idéologiques ou même raciaux et adopte des méthodes de lutte différenciées. Les Weathermen, par exemple, sont partisans de l'action directe. Oui, Weathermen, mais pourquoi ce nom-là ? Bah, ils se sont inspirés d'une chanson de Bob Dylan intitulée « Il n'y a pas besoin de météorologue pour savoir d'où vient le vent ». Pour eux, la violence est le seul moyen d'aider les peuples à secouer le joug des États-Unis et de mettre à jour la nature répressive du régime de leur pays respectif. Dans un premier temps, les Weathermen choisissent l'agitation, non clandestine sur les campus universitaires. Mais assez rapidement, ils passent à la vitesse supérieure en s'en prenant physiquement aux PICS. Les cochons, c'est-à-dire ? Bah, c'est ainsi qu'ils désignent les policiers. Ouais. Ah bon ? Et j'imagine qu'ils deviennent, à partir de ce moment-là, clandestins. Forcément. Et ils vont se lancer dans une impressionnante campagne d'attentats à la bombe. Qui ou quoi visent-ils ? Des bureaux de recrutement militaire, des immeubles du gouvernement fédéral et les sièges sociaux des grandes entreprises. De septembre 69 à mai 70, près de 300 engins explosent à Washington et New York. Mais c'est du jamais vu aux États-Unis, ça, hein ? Ce qui étonne la presse et les autorités, c'est que les auteurs de ces attentats sont de jeunes blancs éduqués. Qui n'ont donc pas un profil de terroriste. Et surtout qu'ils ne sont pas noirs. Car l'obsession du FBI, c'est la mouvance noire. Et c'est le patron Edgar Hoover lui-même qui l'exprime dans une directive. Je cite à peu près. Il faut à tout prix contrer la coalition des groupes nationalistes noirs et empêcher la naissance d'un messie qui pourrait unifier, électriser le mouvement nationaliste noir. Un nouveau Malcolm X. Hein. Oui, par conséquent, il faut faire comprendre aux jeunes noirs modérés que s'ils succombent à l'enseignement révolutionnaire, bah, ils seront des révolutionnaires morts. Ça a au moins le mérite d'être clair. Hein. Et c'est pourquoi Hoover va adapter le Co-Intel Pro au combat contre les mouvements noirs et les plus radicaux. Alors, voyons cela dans le détail. Donc, attendez, ça veut dire que ce programme existait avant. Oui, au départ, Co-Intel Pro est un plan essentiellement anticommuniste. Il va donc être élargi. De façon considérable. La base, c'est le fichage. Au total, le FBI détiendra jusqu'à 1,5 million de fiches sur des citoyens américains. Et cette pratique du fichage systématique était ancienne. Je crois que nous en avons parlé autrefois. Alors, un petit rappel. Hoover, avant même la Seconde Guerre mondiale, a pris l'initiative, sans en référer à personne, d'établir la liste de tous les gens qu'il faudrait incarcérer si les États-Unis entraient en guerre. Et parmi eux, s'il y avait des nazis, on trouvait aussi beaucoup de sympathisants communistes, ou présumés tels. Des types qui avaient par exemple combattu en Espagne contre les franquistes, et qui seront même provisoirement arrêtés. Ouais, sans en référer à personne, mais donc sans même informer le président. Exactement, car Roosevelt lui-même n'a pas échappé aux manœuvres inquisitoires de Hoover. Il était espionné par Hoover, donc rappelez-moi. Hoover n'ignorait pratiquement rien de sa vie privée et de ses liaisons féminines. Mais il n'y avait pas que le président, son épouse aussi. Ah, la First Lady, Eleanor Roosevelt. D'autant que Hoover la détestait, pour de nombreuses raisons. Elle avait pris fait et cause pour un certain nombre d'idées libérales. Et cela horripilait Hoover, qui pensait que la vieille chouette ululante, comme il l'appelait élégamment en privé, se mêlait d'affaires qui ne la regardaient pas et qui risquaient même d'embarrasser la Maison Blanche et son locataire. Eleanor menait en particulier campagne pour l'émancipation des Noirs et le respect de leurs droits. Oui, ça c'était une horreur pour le raciste Hoover. Et il n'acceptera d'ailleurs d'engager des agents fédéraux noirs que beaucoup plus tard, sous la pression de Bobby Kennedy, son patron en tant qu'attorney général. Alors, et j'en aurais fini avec cette parenthèse, Eleanor Roosevelt n'était pour lui qu'une amoureuse de négro. Et puis encore plus grave, elle aurait aussi entretenu des liaisons féminines. C'est pourquoi, en toute illégalité, Hoover n'a pas hésité à placer des micros dans les lieux qu'elle fréquentait et même à intercepter son courrier. Ouais, c'est assez extravagant. Hein. Mais c'est la vérité. Il faut aussi reconnaître que Mme Roosevelt n'était pas en reste. Pour elle, Hoover n'était plus ni moins qu'un fasciste. Alors, pardon pour cette trop longue parenthèse, je voulais simplement vous rappeler que chez Hoover, la manie du fichage et de l'espionnage était fort ancienne. Il va bien sûr la mettre en pratique contre les militants noirs. Il semble que c'est dès l'été 1967 que le FBI, alarmé par la montée en puissance du mouvement noir et de ses branches les plus radicales, recentre le Co-Intel Pro. En direction des noirs. Et les objectifs sont clairs. Le programme tel qu'il est, résumé dans une note secrète de 1968, consiste à démasquer, briser, fourvoyer, discréditer ou au moins neutraliser les activités des organisations nationalistes noires qui prêchent la haine. Et concrètement alors ? Les buts du FBI sont multiples. Il s'agit d'abord, en diffusant de fausses nouvelles, de créer la zizanie à l'intérieur de ces mouvements noirs. Mais ces manœuvres de désinformation doivent aussi susciter l'indignation des citoyens ordinaires et diviser les militants. Et pour ce faire, les agents fédéraux comptent sur des journalistes amis ou des hommes politiques qui n'ont rien à leur refuser. Oui, vous avez des exemples ? Parfaitement. L'un des plus spectaculaires concerne une grande actrice, Jane Fonda. Oui, Jane Fonda, connue pour avoir beaucoup milité contre la guerre du Vietnam. Et aussi en faveur des revendications des Noirs. Pour ces deux raisons, elle représentait donc une cible pour Hoover. Un agent du FBI a adressé une lettre à un chroniqueur de Hollywood. Il lui a rapporté qu'au cours d'une réunion que Fonda aurait tenue avec les Panthères Noirs, elle aurait appelé à l'assassinat du président des États-Unis. Une accusation particulièrement grave. Et complètement mensongère. Mais il fallait à tout prix discréditer l'actrice et ruiner sa réputation. des procédés semblables ont été utilisés contre telle ou telle organisation que le FBI voulait détruire. On a ainsi répandu de faux tracts grossiers et mensongers. Le FBI s'est aussi essayé à briser des couples de militants politiques grâce à l'envoi de lettres anonymes imputant à l'un ou l'autre des liaisons imaginaires. Ouais, ça, c'est de la basse police. Hein. Mais ça a parfois été redoutablement efficace. Et toutes ces manœuvres auraient pu continuer très longtemps si un étrange cambriolage n'avait pas ruiné l'opération Co-Intel-Pro. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le plus grand salaud d'Amérique, tel est le titre en français du livre que le journaliste Anthony Summers a consacré à John Edgar Hoover. Un livre à charge, bien évidemment. Extrait. Quelques-uns des plus célèbres écrivains d'Amérique devinrent des cibles du FBI. Certains, comme Dashiell Hammett, avaient bien eu des liens dans le passé avec le marxisme. Ils furent pris en filature et leur courrier fut ouvert. Quand Hammett, vétéran des deux guerres, mourut, le FBI intervint pour qu'il ne soit pas enterré au cimetière d'Arlington. De nombreux autres intellectuels n'avaient eu aucun rapport avec le marxisme, mais ils n'en furent pas moins l'objet d'enquêtes. Le dossier de la romancière Pearl Buck, prix Nobel, est épais de 400 pages. Les agents ouvrirent également son courrier, bien que sa seule activité subversive ait consisté à écrire sur le racisme et à faire partie de l'Union des libertés civiques. Nous savons maintenant que Hoover gardait des dossiers sur le prix Nobel Thomas Mann, sur Erskine Caldwell, Sinclair Lewis, William Saroyan. Le FBI catalogua Ernest Hemingway, gauchiste et imposteur, y avait également un dossier sur sa femme Mary. John Steinbeck inquiétait le FBI parce qu'il décrivait le côté le plus misérable et sordide du mode de vie américain, ainsi qu'Erwin Shaw, Aldous Huxley, Arthur Miller, Tennessee Williams et Truman Capote. D'autres dossiers concernaient les peintres et les sculpteurs, y compris Henry Moore et même Picasso, qui n'avait pourtant jamais mis les pieds aux États-Unis. Avant d'en venir à ce cambriolage qui a ruiné l'opération Co-Intel-Pro, un mot sur un autre personnage qui a été tout spécialement l'objet de l'attention d'Edgar Hoover, Martin Luther King, qui a été mis sur écoute et espionné. Mais il faut dire que Hoover lui vouait une véritable détestation. Mais pour quelle raison, ben, précisément? D'abord parce que c'était un noir, évidemment. Ensuite, parce qu'il estimait que son combat pour les droits civiques dissimulait une activité communiste. Alors, il l'a espionné. Il a même essayé de briser son couple en faisant savoir à son épouse que Martin Luther King multipliait les aventures extra-conjugales. Ce qui était vrai? Bien sûr, mais ça n'avait rien à voir avec la lutte qu'il menait par ailleurs. Ouais. Il a donc exercé une sorte de chantage à l'égard du pasteur King. Et c'est d'autant plus étonnant que Hoover faisait lui-même l'objet d'un chantage sexuel. Je crois que vous l'avoir raconté autrefois. La mafia, la Cosa Nostra, aurait été en possession de photographies compromettantes. Ah oui, je me souviens où Hoover, homosexuel refoulé, serait apparu travesti, c'est ça? C'est ça, oui, bien sûr. Ces documents n'ont jamais été produits. Et on ne sait même pas si ces photos ont réellement existé. Mais quand on observe que Hoover ne s'est jamais vraiment donné les moyens de lutter contre le crime organisé aux États-Unis, on peut peut-être se poser des questions. En tout cas, Hoover était familier de ces chantages de nature sexuelle. Si John Kennedy, qui n'avait aucune sympathie pour Hoover, n'a jamais pu le virer, c'est que ce dernier n'ignorait rien de la vie amoureuse agitée du président américain. Ouais, avec Marilyn Monroe, par exemple. Ou bien, relation encore plus embarrassante pour un président des États-Unis avec une certaine Judith Campbell, qui était en même temps la maîtresse d'un parrain de la mafia. Alors, bon, pardon de m'être encore une fois éloigné de notre sujet. Mais parlons de ce cambriolage que je vous ai annoncé. Dans l'État de Pennsylvanie, où se trouvent de nombreuses universités, un petit groupe se forme. Ce sont des étudiants et des universitaires qui sont persuadés que le FBI joue un rôle nocif dans la société américaine. Parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes des menées des agents d'Edgar Hoover? C'est probable. Et ils décident de constituer ce qu'ils appellent une commission d'enquête des citoyens sur le FBI. Et pour obtenir des preuves de ce qu'ils affirment, en mars 1971, il décide purement et simplement de cambrioler le bureau local du FBI à Media, en Pennsylvanie. Alors, ils prennent un risque considérable. Oui, ça peut en effet leur coûter très cher, mais ils vont être récompensés par l'énormité de leur trouvaille. Ce bureau fédéral, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Alors, que découvrent-ils, les preuves qu'ils recherchaient ? Oui, des fiches d'écoute et des documents qui établissent que les mouvements étudiants sont écoutés et infiltrés. Des centaines de dossiers sur lesquels figure la mention Co-Intel-Pro. Les agents du FBI ont recueilli sur les militants, étudiants ou professeurs, des fiches personnelles où sont recueillies des informations précises et même très intimes. Ouais, d'accord, mais la suite, alors ? Bah, ces cambrioleurs, pas comme les autres, photocopient d'abord tout ce qu'ils peuvent. Grâce à eux, l'Amérique découvre que le FBI surveille systématiquement les activistes de gauche, les étudiants et les Noirs. L'un des dossiers révèle qu'à Philadelphie, les Panthères Noires ont été mises sur écoute, que leurs activités, les conversations les plus personnelles sont méticuleusement notées. Un autre dossier concerne les SDS, les étudiants pour une société démocratique, l'une de ces organisations qui lutte contre le racisme anti-noir. Les dossiers sont intitulés « Influence communiste »,« Influence étrangère »,« Agitation étudiante ». Ça veut dire que le FBI disposait d'informateurs au sein même de ces mouvements. Bien évidemment. Mais les banques et les compagnies de téléphone ont été aussi mises à contribution afin de délivrer des renseignements sur leurs clients. Et que font ces militants alors de tous les documents photocopiés là ? Ah ben, ils s'empressent de les transmettre aux grands journaux, le Washington Post et le New York Times les publient. Et c'est le scandale. La colère de Hoover est proportionnelle à l'ampleur de ce scandale. Il fait muter à Atlanta le chef du bureau de médias, ferme une centaine de bureaux du FBI sous le prétexte qu'il ne dispose pas d'un système de sécurité suffisamment performant. Et surtout, Hoover doit mettre fin en toute urgence à Co-Intel-Pro. Mais il est déjà trop tard pour éviter de fâcheuses répercussions. Une majorité d'Américains réclament la démission du directeur du FBI et moins de la moitié des citoyens expriment une opinion hautement favorable sur l'agence fédérale. Ouais, c'est un désaveu cuisant pour une institution quasi légendaire aux États-Unis. Et généralement respectée. Alors les répercussions. En décembre 1973, un tribunal de district fondant sa décision sur la loi permettant le libre accès aux documents de l'administration ordonne au nouveau directeur du FBI, Clarence Kelley... Oui. Hoover est mort à ce moment-là. Hein. Un an plus tôt, oui. Ouais. Donc ce nouveau patron du FBI doit communiquer un certain nombre de documents jusque-là classés top secret et portant sur le plan Co-Intel-Pro. Et ça continue l'année suivante. En novembre 1974, sous la pression des tribunaux, le FBI se voit contraint de lâcher d'autres documents qui vont révéler le plus formidable programme de surveillance politique, sabotage et infiltration que les États-Unis aient connu depuis la chasse aux sorcières du macartisme dans les années 50. On n'avait jamais connu ça. On découvre ainsi la genèse du programme Co-Intel-Pro. À partir de quand alors ? C'est en octobre 1961 que Hoover ordonne la mise en branle d'un programme destiné à démanteler le Parti des travailleurs socialistes, la formation trotskiste la plus influente du moment. Ah, il s'agit donc de la suite très logique de la politique du macartisme. En effet. Et notons au passage que l'action du FBI avait été très efficace, alors que dans les années 60, le PCA, le Parti communiste américain, comptait tout au plus 8500 membres. 1500 d'entre eux étaient des informateurs du FBI. Ah oui. Autant dire que le PCA ne pouvait plus jouer de véritable rôle politique au sein de la société américaine. Ben, c'était l'objectif de Hoover en créant son Co-Intel-Pro. Paradoxalement, c'est une commission de la Chambre des représentants qui a reconnu sa terrifiante efficacité. Après enquête, elle a conclu ainsi « On a ruiné des carrières, on a brisé des ambitions, on a souillé des réputations, poussé à la faillite des entreprises et dans certains cas, on a mis des vies humaines en danger. » Un terrible bilan, hein ? Mais incontestablement, c'est dans la lutte contre les mouvements noirs que Co-Intel-Pro a fait la preuve de son efficacité. Il devait en effet savoir qu'il existait au sein de ce programme une section intitulée intelligence raciale. Ouais, c'est-à-dire espionnage racial. Oui, et c'est cette section spécialisée qui a été chargée non seulement de désinformer l'opinion, mais aussi de confectionner de fausses charges contre les individus. Et parfois, on est allé jusqu'à l'assassinat. Et bien évidemment, c'est le mouvement le plus radical, le parti des Panthères Noires, qui a subi les coups les plus durs. Par exemple ? Tous les bureaux des Black Panthers ont été mis à sac. Ils ont subi d'innombrables descentes de police impromptues. Et le FBI a procédé à de nombreuses arrestations à partir de preuves fabriquées par les polices locales, qui n'étaient pas moins racistes que l'agence fédérale. Ainsi, l'un des leaders du mouvement, Mumia Abu-Jamal, a été arrêté pour n'avoir pas traversé dans les clous un passage piéton. Huey Newton et Bobby Seale, fondateurs du mouvement, sont également jetés en prison. Et puis on se souvient d'Angela Davis qui a été harcelée, elle aussi, hein, par le FBI. Et est placée en isolement durant plus d'un an, oui. Mais il y a beaucoup plus grave. Bobby Hutton, 17 ans, a été le premier membre des Panthères Noires assassiné par la police dès avril 1968. Le premier, mais malheureusement pas le dernier. Ainsi, la mort brutale de deux militants de Chicago, tués dans une fusillade nourrie après l'entrée en force de la police dans leur appartement. Mais est-ce que ces actions, généralement illégales, ont réussi à venir à bout des Black Panthers ? Oui. À la fin de l'année 1971, le parti, décimé par la répression, voit son audience fondre comme neige au soleil et ses dirigeants replient leur action sur Oakland, leur ultime fief. D'où la décision de certains militants de réintégrer le jeu politique traditionnel en soutenant les candidats démocrates aux élections locales. Oui, mais tous ne se sont pas résignés. En effet. Et cela a conduit Nixon et Hoover à mettre en place de nouvelles campagnes dites anti-insurrectionnelles. Et le résultat, alors ? À New York, par exemple, la plupart de ces militants ont été arrêtés et enfermés dans des prisons de haute sécurité. Ailleurs, d'autres activistes des Black Panthers ont été emprisonnés à vie dans la très sinistre prison appelée Angola, en Louisiane. Autant d'hommes qui ont été condamnés sur de fausses preuves. Mais ces Noirs n'ont pas plié. Et certains se sont engagés pour la défense de leurs droits humains dans le milieu carcéral. Et cela a parfois coûté très cher. C'est-à-dire ? L'un d'eux, Robert King, n'a été libéré qu'en 2001. Et un autre, Herman Wallace, ne l'a été qu'en 2013. Mais malade, il est mort 3 jours après sa libération. Fin de l'histoire tumultueuse des Black Panthers ? Ah, détrompez-vous. Un autre dirigeant, Albert Woodfox, est toujours détenu. L'Amérique blanche a décidément du mal à pardonner. Mais c'est sans doute parce qu'elle a eu très peur. Cette émission, comme d'habitude, a été réalisé par Michel Biou avec Basile Bocquer, mise en musique par Monsieur Djoub et préparé par Rebecca Denant qui vous recommande cet ouvrage. Alors, Monsieur X nous parlait à l'instant de ces trois figures des Black Panthers enfermées dans la terrible prison d'Angola en Louisiane, King, Wallace et Woodfox. C'est leur histoire que raconte la BD dont je veux vous parler. Très documenté, de Bruno et David Senou, Panthers in the Hole, donc traduction « Les panthères au trou ». Cette BD qui retrace avec réalisme leur engagement dans la défense des droits de l'homme au sein de cette prison où beaucoup de militants noirs ont été ou sont encore emprisonnés, souvent à tort et dans des conditions effroyables. Cette BD donc parue récemment à la boîte à bulles en coédition avec Amnesty International. Eh bien, bonne lecture à tous. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain. Et tout de suite après, le flash, on retrouve CO2, mon amour, de Denis Chessou.